On a un gars qu'on m'a réclamé à toute patate sur les réseaux. Moi, je kiffe ce qu'il fait. Et je pensais que vous connaissiez pas, mais en fait, tout le monde connaît ce mec-là. Il s'appelle Tavodka. Hey, ma gueule, je suis chaud comme la Brest. Personne ne m'arrête, d'un seul coup, tout crame. J'ai toujours cette étincelle, c'est pas que de la flamme. Je touffe tout flamme. T'arrache la haine dans le corps. Ma gueule appelle les renforts. Ça sent l'enfer quand je m'emporte. Mon flow transforme la terre en lampe d'or. Quand ma bouche transforme en lance-flamme, ça fait de moi un grand orateur. Pour rappeur, je voulais t'être brûlé, mais c'est moi qui transforme leur flow en vapeur. T'as l'air choqué dès que je l'ouvre. Tu veux me tester, t'es chelou. Tu seras déçu, car face à moi, la seule chose que tu plieras, c'est tes genoux. Hein? Petit à petit, ça te dépite, dépite tes pattes, c'est des VK que de retour, tout dans la tête, pas dans les pecs, devant tes potes, je vois des pics de cette époque un peu épique. Je m'applique, ma voix te plaque, te voilà pris dans la tempête. Vite, c'est le flow dans ma tête combinée. Je ne veux que des soldats, je ne veux pas de confinés. J'avais déjà la technique avant que le son confiné. Rappelez-moi que je défonce le défi de combiner. Bout de pète au bout du bec, en un couplet, tout pète sur un coup de tête. Vide la bouteille dans ma coupelle, je lâche des bouteilles dans un bouteille à la Wu-Tang. J'suis devenu fou, un cas d'asile. Quand j'ouvre la bouche, un tas de balsifs. Ouais, y'a la school et y'a la street. Quand j'lâche la secousse, c'est un cataclysme. J'rafale des mots comme un grand kicker. Et puis casse des bouches, y'a des dents qui pleuvent. Vise dans le mille avec tant de rigueur. J'te défonce la prod comme un plan Tinder. Tous mes ennemis sont indécis, pour ça que la fessée sera indécente. Fais bien attention si tu veux faire des étincelles. Parce que mon bic est plein d'essence. J'avoue, j'ai la dalle d'un sale chacal. La chasse est ouverte alors j'passe à table. Après mon passage, il ne reste que descendre comme un pyromane qui déclare sa flamme. Étouffe chaque ligne de glace, le corps. Faut que j'offre des ventolines à chaque se mort. T'étouffe chaque ligne de glace, le corps. Faut que j'offre des ventolines à chaque se mort. Juste mec banal devenu fou allié. Dès que je prends le mic, vous me vous voyez. Dans ce game, je me balade et je fous la pagaille tout comme un renard dans le poulailler. Au fond de ma tête, un tas d'idées fusent. Au niveau du flow, j'ai le don de balancer. J'ai tout fait pour que tes yeux se révulsent. Tout ça pour te faire voir le fond de ta pensée. J'suis pas de ceux qui se disent maintenant j'arrête parce que je regrette ma voix. Car j'ai qu'une devise, c'est tout niquer avant que mon grec soit froid. Eh hey, vas-y, bouge, je suis de retour. Alors joue pas l'étonner, ma caille. T'étais bien gentil d'être assis sur mon trône histoire de me réchauffer la place. Là, j'rappe un peu à froid. Attends, ça change, traque ma proie. Hashtag décolle, y'a le feu chaque fois, ma voix dépasse Mac 2, Mac 3. Donc lève les yeux, ma gueule, je suis haut. J'peux te foutre le feu dans tous mes états. Tu vas te comprendre, ma feuille, mon stylo, c'est la fusion de Goku Vegeta. Quand j'entre dans la cabine, je sème la panique. Je débarque en un éclair dans tous les cas que tu vas faire. Appelle mon équipe si tu veux de l'aide pour faire ta valise. Stop, j'm'en fous de tes inepties. Mon flow aime filer vite et c'est un cycle ennemi fini. Victime d'une crise d'épilée. Étouffe chaque ligne de glace, le corps. Faut que j'offre des ventolines à chaque se mort. T'étouffe chaque ligne de glace, le corps. Faut que j'offre des ventolines à chaque se mort.